Musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Il est 13h31. Voilà donc eh bien, le retour du mardi après-midi pour l'émission Midi Dance sur Arc-en-Ciel. Voilà donc nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec beaucoup de chansons différentes. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement très bonne matinée, tout simplement. Et donc vous allez continuer aussi de rester tout simplement fidèle avec les chansons différentes. Bien, le rendez-vous, vous allez le retrouver tout simplement et bien donc aussi la semaine prochaine, mardi, et bien si vendredi matin, toujours pareil, à partir de 9h jusqu'à midi. Voilà donc, et bien sans plus tarder, je vous laisse avec bien sûr les chansons. Et je vous laisse tout simplement avec Alice Donna, et puis suivi de Vanessa Denouise. Bonne nuit à tous et à vous toutes. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Pas les mots qu'il faut. Tous mes anciens amis Pierrot. Tout sonnait faux, tout sonnait mal. Tout sonnait stupide et banal. Et j'étais vide, en équilibre, entre mon lit et mon piano. Mais tu es venu, je suis. J'ai l'air solide du dehors, mais tu sais, ce n'est qu'un décor. Du dedans, c'est pas le même profil, c'est du tout tendre, tout fragile. De l'eau de source, timide et douce, de la rosée. down. Then stand to make them up to this. Yeah, man, watch it out. Give me that jam in the black vibe, yeah. You wanna hear me? I'm gonna bring it to you. Murderous and style, you know. Don't boy! Des amours qui chantent, des amours qui font peur, et des amours qui tremblent, des amours platoniques, tout est dans le regard, comme un vent de panique, reste un peu à l'écart. Y'a des amours bidons, des amours de plumard, des amours de carton, mais qui font des histoires. Y'a des amours passion, qu'on ne contrôle pas. Y'a des amours prison, dont on ne s'enfuit pas. Mais toi et moi, y'a quel amour, quelle histoire. Mais toi et moi, je ne peux plus y croire. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. On ne peut pas bâtir sur l'eau, faire des fleurs sans amour. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. C'est comme une sinfonia, un vento pazzo di follia che va. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. Y'a plus de tendresse, on se déteste, y'a plus de magie, tant pis. Y'a des amours tendresses qui savent pardonner. Y'a des histoires de fesses ou de complicité. Les sanglots des violons, comme disait la reine, pleure sur ma chanson, je veux quelqu'un qui m'aime. Mais toi et moi, quel amour, quelle histoire. Mais toi et moi, je ne peux plus y croire. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. On ne peut pas bâtir sur l'eau, faire vivre sans héros. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. C'est comme une symphonie, un vento pazzo di follia che va. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. Y'a plus de tendresse, on se déteste, y'a plus de magie, tant pis. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. Qui m'aime vraiment, qui avait tant vu d'un enfant. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. Je voudrais une femme qui donne au reste mon âme. Une femme qui soit vraie comme on m'a privilégié. Arc-en-ciel. Voici donc du disco tout simplement avec Donna Summer. Il y a aussi d'autres chansons différentes. Come on. You don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voilà donc, eh bien, si vous prenez l'écoute, eh bien, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-ciel. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec Alain Barrière et puis suivi avec Dalida. Et puis le groupe qu'on connaît très bien avec les Rolling Stones. Voilà donc, eh bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. T'en reviens au village, tu verras que tout a changé. Tu auras peine, je le présage, à ne pas te sentir étranger. Si quelques rues ici ou là sont restées celles du passé, il te faudra le vent du large en te promenant sur les quais. Pour retrouver les images et les parfums de nos étés. Notre jeunesse, le doux mirage, on a bien le droit de rêver. C'est la vie, c'est la vie. Tout change un jour, tant mieux, tant pis. L'on casse et puis l'on modifie. L'oncle Joseph et Mathurin et tant d'autres s'en sont allés. Et devant chaque hiver qui passe s'efface le vieux du quartier. Et si nous étions les enfants, nous sommes devenus les aînés. Derrière nous s'est fait un monde que nous n'avons pas vu pousser. Encore quelques temps d'illusions, quelques printemps, quelques étés. Quelques pas vers un avenir et la boucle sera bouclée. S'enfonce dans l'oubli. Oh, c'est la vie. C'est

Merci donc, que voici, il s'appelle Tina Arena et puis suit les Bee Gees. Au fil de ma vie, cet homme m'a promis le toujours et puis cet homme enfoui. C'est possible. Voici donc Carl Douglas. They fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu. He said, here comes the big boss, hey, let's get it on. We took the bow and made a stand, started swaying with the hand. Sudden motion made me skip, now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. We'll be right back. S'appelle tout simplement Copa Cabana. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her leg. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago, when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined, and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony, now she's lost her mind. At the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love. Copacabana. all alone and feeling down, come to me when there's nobody else around. Come to me. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voilà donc, bien, je vous laisse avec un morceau d'accordéon, et puis suivi de Francis Cabrel, et puis ainsi tout simplement, Frédéric François. Et puis, juste après, d'autres chansons disco.

plaît. Laisse-moi partager ton univers et je saurai comprendre tes yeux d'enfant. Oui, je saurai la rendre le printemps. Viens te perdre dans mes bras, viens poser tes rêves sur mon cœur. Notre amour triomphera quand nous serons toi et moi, seuls avec notre voici donc un autre morceau disco et puis juste après on écoutera Jermaine Jackson. Aza et puis après elle, Karen Cheryl. Je t'ai cherché sans te trouver. Je même pensais que tu n'existais pas. Et je traînais sous tes soleils qui ont brûlé ma peau et mes espoirs. Mais j'entendais au fond de moi une voix qui disait ne t'arrête pas. Je m'élevais et je partais une nuit froide pour des matins glacés. Quand j'entendais au fond de moi désespéré, abandonné, je me sentais pourtant si près de toi. Je me relevais, je repartais, les yeux perdus, revenant sur mes pas. Quand j'entendais au fond de moi la voix qui disait ne t'arrête pas. Va, va, va, va tout le la lueur dans la nuit, une fleur sous la pluie, le cœur qui revit. J'entendais va, va, va, et rappelle-toi la lueur dans la nuit. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec trois morceaux différents avec l'harmonica. Et puis donc, les deux premiers titres, c'est un tout simplement qui vient avec Johnny, tout simplement avec Greg Zalp. one. Arc-en-ciel. Voici donc un autre morceau harmonie, puis juste après le blues. I'm not afraid to big name, ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. I'll play the blues for you. Play the blues. for my baby. And I wonder, what can she be? Voici donc Claude François. Et puis donc, juste après lui, on écoutera King Wagid. Je ne peux plus rien y faire. Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle est si fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise. Qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois sa voix, et elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Oh, yeah. cristaux. Et les dangers, les grues par trac. Les citernes de gasoil. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole. Et toutes ces amours qui se détraquent, et les chagrins lourds, les peines qu'on décore. Et toutes mes erreurs de Zodiac. Et mes sautes de boussole. Et toi, les pieds dans le flac. Et moi, et ma tête à claque. Je prie les remorqueurs pour des gondoles. Et moi, moi je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques. Qu'on bazarde au prix du pétrole. Les émissions pour aujourd'hui et ainsi pour demain mercredi. Voilà donc pour ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver l'émission Électrique Choc avec Christophe. Et puis une autre émission entre 21h jusqu'à 23h avec un autre Christophe, avec l'émission et les trucs live. Demain, mercredi, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver tout simplement Victor. Et puis juste après Christophe... Victor, voilà. Victor, juste après, à partir de 14h jusqu'à 16h, vous avez retrouvé Gloria. Juste après, entre 16h et 17h, vous avez retrouvé Zika d'ailleurs. Et puis, juste après, entre 18h jusqu'à 19h30, Violette. Et puis, Chimie de 19h30 jusqu'à 21h avec Christina. Matin à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Hergé Miro. Voilà donc bien pour les émissions différentes, et puis donc on va retour avec sur les chansons. Et voici en duo Albino, tout simplement Power, et puis juste après un titre de deux titres différents de Johnny B. Le premier s'appelle C'est un cri, et puis juste après on écoutera un autre chanson de lui, et puis tout simplement Michel Thor. La souffrance tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je suis un cri. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je suis un cri. Marlowe, James Dean, ni tel, ni son comptoir, qui me tendait un verre rempli d'espoir. J'ai goûté la violence, oui, bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Je suis qu'un cri. Je n'y avais jamais vraiment cru à cette vie qu'on dit éternelle. Toutes mes blessures enfin disparues. Il ne me reste aujourd'hui que deux ailes. Et si le ciel, c'était lui l'enfer? Tous les cœurs purs n'ont pas le bon rôle. Le paradis, pour moi, c'est la terre. Dans ce pays dont j'étais l'idole. Jamais l'Olympia. C'est ça l'enfer d'un ange qui porte comme une croix de ses souvenirs de star. Quand il pleurait l'âme de sa voix. C'est ça l'enfer d'un ange. Et bien plus fade. Don't know. à l'enfer d'un ange. Que la terre s'arrête. Voici donc Rose Laurence. Et puis juste après, elle écoutera Aramesque. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou, ma belle visage, son gris-gris me suit. vérité. Ouais, juste là-bas, qu'est-ce que tu crois? Champion du monde? Qu'est-ce que tu crois? Si on brasse ses péchés? Qu'est-ce que tu crois? Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Un péter à la oui? Bien sûr que oui. Bibi, oublie pas, t'es un gagnant, hein? T'es un gagnant! مال قلبي مال زهري راهي سفري وا يا مال عمري مال حبيبي راني نجري وا يا مال قلبي مال زهري راهي سفري وا يا مال عمري مال حبيبي راني نجري سلامي يا قلبي خلفناك درس Son souvenir sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc le Pop Concerto et puis juste après Amanda Lear. I stand up. I walk. Yes, I walk. Can't see the sky, but I feel, well, I feel alone. I can see a flower crowd and the sun up in the sky. All around is full of. sur Arc-en-Ciel. Voici des bougibouis. Zumba, yeah, Zumba, yeah, Zumba, yeah, Zumba, Zumba, yeah, Zumba. lose control. That's right, let's rock and roll. Bring it down and down to the flow. On your mark, get set, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, if you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Got me, my baby. Sunroof down. Put it down. Got my diamond in the back. Put on the second wheel, move it if you're gonna hide. Move it back. Shame, shame, shame. Shame on you. Charles. Et puis juste après Blondie. I love to love, but my baby just loves to dance. He wants to dance, he loves to dance. He's got to dance. Oh, I love to love, but my baby just loves to dance. Oh, I juste après, on écoutera tout simplement un titre disco. Lost all behind. quando hai navi in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino, a Portofino, I found my love.

Arc-en-Ciel, un amour de FM. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Yeah. Arc-en-ciel. Voici donc Grégoire, et puis juste après on écoutera tout simplement Laura Fabien. Vers sur un chemin, sentir l'odeur chaude du pain, écouter le chant des oiseaux, voir le ciel et voir comme c'est beau. Prendre le temps de prendre le temps, prendre le temps de prendre le temps, prendre le temps de prendre le temps, éteindre le bruit des machines, fermer tous les magazines et regarder autour de soi, demander aux gens si ça va. Prendre le temps de prendre le temps, prendre le temps de prendre le temps, prendre le temps de prendre le temps, ne pas s'imposer de réveil, laisser s'exprimer le sommeil, voir ses yeux embués de rêve, un doux sourire au coin des lèvres, se dire qu'aujourd'hui on fait rien et se dire que ça fait du bien, apprendre de temps en temps, de temps en temps. Regardez la neige tomber, comme un enfant s'émerveiller, espérer qu'on tourne et que pluie, croiser un arc-en-ciel qui lui prend le temps de prendre le temps, le temps de prendre le temps, prend le temps de prendre le temps, marcher les pieds nus dans le sable, y laisser des traces effacées, bercer au son de la neige, sentir la fraîcheur de l'air. S'imposer de réveil, laisser s'exprimer le sommeil, voir ses yeux embués de rêve, un beau sourire au coin des lèvres, se dire qu'aujourd'hui on ne fait rien, et se dire que ça fait du bien, apprendre de temps en temps, de temps en temps. Voilà donc, il est 16h45, et bien c'est l'accordéon qu'on va se quitter, voilà, tout simplement. Et donc on va se retrouver donc et bien vendredi, tout simplement à partir de 13h30. Mais non, on va pas se retrouver ce dimanche-là, mais on se retrouvera l'autre dimanche d'ici 15 jours pour l'accordéon musette. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à toutes, et on termine l'émission avec bien sûr l'accordéon.

requebra, requebra, requebra. Sim, pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra. Sim, pode falar, pode rir de mim. Cláudia Martins e os Minhotos Marotos. José Malhoa. Cara de cigana, você apaixonada, que me deste amor. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Alors, venez en famille, avec vos amis, pour cette journée très très très spéciale. Les 10 ans du panier du monde, c'est le dimanche 26 novembre, au 18 rue de Montaran à Fleury-les-Aubrais, à partir de 10h du matin, et ce jusqu'à 19h30. Alors, soyez au rendez-vous. Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingré, 0238 22 0857. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. A terça-feira é dia de meus direitos com Graça Cabral e Isabel Flora. Isabel, vai-se falar de quê na edição de hoje? Voltamos a falar do EMI. De que prazo é que estamos a falar? Para ver daqui a pouco o EMI em destaque na tarde da RDP Internacional, vamos até ao final da hora com Raquel Tavares, o meu amor de longe. Boa tarde. No Largo da Graça já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoar a alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo o tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo.